allées, quand les murs sont tombés, quand les failles virevoltent avant l'heure des récoltes. Mais avant de m'enfuir, je viendrai cueillir tous les fruits, les derniers, sur les branches du mûrier. Le cycle des saisons, l'affluence. Dans ma mémoire, il vit.